Des chênes enracinés sur le toit d'un colombier dans les Côtes d'Armor, des tilleuls de 4 siècles au tronc creux, mais au feuillage dense et vigoureux en Auvergne. Un olivier vieux de près de 2000 ans qui produit encore des fruits dans les Alpes-Maritimes. On peut croiser dans nos régions, au détour d'un chemin, des arbres exceptionnels. Il y a de quoi être impressionné par ces êtres vivants immobiles qui défient la gravité, le temps et les éléments. Ces quelques spécimens, hors du commun, cachent une forêt d'individus moins spectaculaires, mais aux capacités tout aussi prodigieuses. Dans un livre intitulé « L'arbre dans tous ses états » aux éditions Delachaux et Niesley, Georges Fetterman, passionné de nature et président de l'association Arbre, nous emmène à la découverte des spécimens les plus remarquables de notre pays. Et en s'appuyant sur ces cas particuliers, il revient sur les résultats d'études récentes faites au sujet de ces formes de vie encore mal connues que sont les arbres. Cet après-midi, nous partons en balade avec Georges Fetterman sous le feuillage des arbres de nos régions, à la découverte de leur stratégie de survie, de leur mode de communication et autres capacités insoupçonnées. Et en fin d'émission, le géologue Richard Mer nous racontera les expéditions qu'il a menées en Patagonie sur l'île Madre de Dios, un lieu unique au monde, difficile d'accès et que les chercheurs n'ont commencé à explorer que très récemment. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Lorsque j'avais des brebis, à cet endroit, il y avait un tas de maquis secs et j'ai voulu nettoyer ce maquis. Au fur et à mesure, cet arbre est apparu. C'est un pistachier lentisque qui ne donne pas de pistache. C'est un arbre qui, normalement, est un arbrisseau. Des spécialistes, des scientifiques sont venus. Tout le monde a mis la fourchette entre 1000 et 1003. On a dit l'arbre millénaire. Je reviens souvent ici, on a de bons contacts tous les deux. Fraîcheur, ambiance différente. Même les sons ici sont différents quand on est sous l'arbre et à l'extérieur de l'arbre. S'il a survécu jusque-là, il survivra bien encore quelques temps, j'espère. Et plus que nous, certainement. Je fais partie intégrante de la nature, je le sens. Pour moi, on est régi par les mêmes lois. Donc faire mal à un arbre, c'est faire mal. Un pistachier lentisque millénaire en Corse. Bonjour Georges Fetterman. Bonjour. Nous venons d'entendre un extrait du film « Les arbres remarquables de France », un patrimoine à protéger dont vous êtes le co-scénariste. À quoi ressemble-t-il ce pistachier millénaire ? Alors d'habitude, le pistachier, c'est un arbre effectivement qui est plutôt de petite taille, c'est un arbuste. Celui-ci, bah effectivement, comme le dit Élise, qu'on entend dans le film, a trouvé quelques feuilles qui dépassaient au milieu d'un tas de gravats dans sa commune de Ghisonaccia, en Corse. Et elle s'est prise à l'idée de déblayer un petit peu, de creuser, et elle a dégagé un arbre. La surprise est d'abord qu'il était encore vivant. Et en creusant encore, elle a découvert un arbre au tronc énorme. Et on a découvert, grâce à elle, sans doute le plus vieux pistachier, ce que les gens appellent lentisque dans la garrigue. On l'a trouvé parmi les sans doute les plus extraordinaires de France. Il était enseveli, littéralement, arbre. Il n'en dépassait que le haut des branches. Ouais, ce qui est hallucinant, c'est qu'il soit resté vivant, ce qui donne une idée des capacités du monde végétal. La fin de l'histoire, elle n'est pas dans le film, mais c'est qu'il y a eu un incendie un petit peu après. Elle s'est précipitée vers les pompiers. Elle a dit, ma maison, vous la laissez, vous occupez de l'arbre. Ouais. Vous sauvez l'arbre plutôt que ma maison. Alors, il fait partie des arbres que l'association Arbre, que vous présidez, Georges Fetterman, a qualifié d'arbres remarquables, au point que les habitants sont prêts à sacrifier leur maison pour les sauver, en tout cas certains d'entre eux. Qu'est-ce qui fait d'un arbre qu'il peut recevoir ce prestigieux label d'arbre remarquable ? On en est actuellement à la remise d'environ 500 labels Arbre Remarquable de France, qui est un label de valeur plus morale qu'administrative, mais qui marche très bien, notamment dans les villages de France. C'est extrêmement protecteur parce qu'on crée un événement, on donne de l'importance à l'arbre. Alors qu'est-ce qui fait l'arbre remarquable ? Eh bien, les dimensions, évidemment. Là, pour un pistachier, c'est un arbre totalement inhabituel. L'âge, l'estimation de plusieurs spécialistes est de le donner comme millénaire, donc c'est un bon exemple, et une forme, et bien sûr, comme on le voit ici, une histoire ou une légende. Là, c'est une histoire. Peut-être qu'un jour, ce sera une légende. Ils ne sont pas tous millénaires, hein, ces arbres remarquables, mais certains le sont. Quel est le plus vieil arbre de France aujourd'hui ? le plus probablement un olivier sur la Côte d'Azur, dont là j'ai estimé, vous voyez, je suis très prudent, je mets des conditionnels, à environ 2000 ans. Il se trouve à Roquebrune-Cap-Martin, c'est un arbre extraordinaire. Tous ceux qui le voient tombent amoureux de ce monument de la nature. Qui plus est, il a des leçons à nous donner quand même du point de vue de la reproduction et de la sexualité, puisqu'à 2000 ans, il fait toujours des petits, autrement dit, il fait des olives. On parle parfois d'arbres qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Est-ce que c'est possible, ça ? Alors, le record de l'arbre solitaire dans le monde, ce serait, je mets aussi des conditions, parce que peut-être qu'on va en découvrir d'autres, si les hommes laissent tranquilles les forêts, un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui, 8000 ans, en tout cas, pour un épicéa d'assez petite taille en Scandinavie. Après viennent des arbres américains, des arbres australiens, tout le monde connaît les séquoias géants, autour de 3000 ans, mais certains arbres n'en finissent pas de marcoter, c'est-à-dire qu'ils rampent sous la surface du sol et ressortent. Tout le monde a vu ça, hein, même sous un trottoir parfois, des arbres qui se glissent par leurs racines souterraines et qui rejettent à un moment donné. Et effectivement, c'est le même arbre qui n'en finit pas de repousser, ce qui donne une idée d'éternité. Oui, c'est ça. Là, on a des arbres qui ont 80 000 ans, si on prend en compte le marcotage, cette façon de se régénérer en permanence par le sol. Aux États-Unis, il y en a un qu'on appelle le pando, qui est un groupe de peupliers. Plusieurs milliers d'arbres se trouvent sur une surface considérable, et l'âge est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais on peut appeler à la réflexion philosophique des auditeurs, est-ce qu'entre l'arbre de départ qui était là il y a 50, 60, 70 000 ans, et le petit qui vient de sortir à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de là, est-ce que c'est encore le même arbre ? Génétiquement, la réponse est oui. Ouais. Mais ce sont de nouveaux individus qui apparaissent. Ce sont des clones. Alors, certains arbres ne sont pas si vieux, mais ils sont remarquables, car ils s'inscrivent dans l'histoire. Vous avez des exemples comme ça d'arbres en France qui sont profondément attachés à l'histoire de notre pays. Oui, et ils ont un intérêt à une question qu'on nous pose à l'association Arbres et à moi-même souvent. Quel âge il a, celui-là ? C'est toujours la première question. Des fois, on a envie de dire, mais c'est pas très grave si on sait pas exactement l'âge. Mais bon, certains arbres sont connus pour une date très précise de plantation parce qu'ils célèbrent un événement. Je pense à un arbre qu'on voit dans le film, justement, le tilleul de Bracon dans le Jura, qui a été planté pour le mariage de deux people de l'époque, qui étaient Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche. Ça doit être 1438, je me trompe peut-être de quelques dizaines d'années, mais peu importe. Et comme l'arbre a été planté pour le mariage, il a une valeur historique aussi, puisque vous savez que quand on se mariait à l'époque, ça se fait encore un peu, on réunissait des pays, des contrées. Ici, la Bourgogne, la Franche-Comté sont réunis en un seul ensemble. Curieusement, on vient de refaire la même chose dans les provinces de France, puisqu'on a réuni à nouveau la Bourgogne et la Franche-Comté plusieurs centaines d'années après, et l'arbre est toujours là. L'arbre est toujours là. Peut-être le plus gros de France. Là, en l'occurrence, c'était un tilleul. Souvent, ces tilleuls pluricentenaires sont creux. Alors, on a l'impression que ce sont des arbres qui sont en mauvaise santé, qui sont en train de dépérir. En fait, un tilleul avec le tronc creux, c'est pas forcément un tilleul sur la fin. Non, parce que c'est une règle quasi généralisée qu'un arbre vieillissant, quand je dis vieillissant, c'est-à-dire de plusieurs centaines d'années, perd son bois de cœur, qui est du bois mort, en fait, le bois du centre de l'arbre est du bois mort, qui peut se décomposer progressivement, et l'arbre se vide peu à peu de sa substance. Parfois, ça fait une sorte d'humus naturel à l'intérieur de l'arbre, et le tilleul de Bracon, par exemple, envoie des racines depuis les hauteurs de l'arbre dans sa matière en décomposition. Autrement dit, il se mange de sa propre matière en décomposition. Il se nourrit de lui-même. Non, sans oublier quand même que l'essentiel de la nourriture d'un arbre, il faut le rappeler, vient par les feuilles, puisque les feuilles captent l'énergie solaire. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse, bien sûr, mais il faut jamais l'oublier, parce qu'on parle de beaucoup de qualités. La plus extraordinaire, c'est celle-là, c'est vivre de rien, d'un peu de lumière, de gaz carbonique, le fameux gaz carbonique qui nous pose tant de problèmes, et ben les arbres s'en nourrissent. Ils ont aussi cette capacité de ressentir leur environnement. Et ça nous échappe encore un peu, d'ailleurs, la façon dont ils le font. Vous parlez dans votre ouvrage, L'arbre dans tous ses états, de timidité entre les arbres. De quelle manière les arbres se comportent de façon timide, en tout cas certains d'entre eux? Oui, c'est une expression que j'ai empruntée à un grand botaniste qui est Francis Allais. Je ne revendique pas la paternité de l'expression, la timidité des arbres. J'aime bien l'expression. Moi, j'ai utilisé un autre mot aussi dans le livre, je l'appelais la ligne claire, en pensant à Tintin où on parle de la ligne claire. C'est un petit espace qui reste entre deux arbres qui se côtoient et où l'un dit, entre guillemets, bien que j'évite l'anthropocentrisme, dit à l'autre, d'une certaine façon, tu ne dépasses pas cette zone de feuillage, on se partage la lumière sans se chevaucher. Mais ça veut dire qu'ils ressentent la présence de leurs congénères? À coup sûr, oui, mais ce dont on discute actuellement, c'est comment ils le savent. Ouais. Et cette expression, comment ils le savent, on peut le dire pour beaucoup de choses concernant les arbres. Une possibilité peut concerner l'émission de certains produits aérosols par les arbres à destination de l'autre et qui empêcherait les feuilles de s'approcher l'une de l'autre. Mais vous savez, cette notion, comment ils le savent, on peut l'appliquer à toutes sortes de choses dans une pente, comment un arbre sait qu'il est dans la pente et qu'il doit faire du bois d'un côté plutôt que de l'autre. Oui, parce que ce sont de véritables équilibristes, ils sont capables en permanence, s'il y a une tempête, qu'ils sont légèrement couchés, ils savent où renforcer, c'est de l'architecture qu'ils font. Oui, dans le livre, l'arbre dans tous ses états, je montre un très joli truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un très gros arbre qui a une partie plus étroite au-dessus, un tilleul. Et le gros arbre envoie 5 ou 6 arcs-boutants pour maintenir la partie supérieure. J'avais jamais vu ça avant et j'ai pensé aux images que j'ai vues d'ailleurs il y a quelques jours sur Notre-Dame, où on renforce les arcs-boutants, mais les arbres savent faire ce renfort-là. La question c'est comment ils savent ça, puisqu'ils n'ont pas de système nerveux. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on commence à utiliser, je le fais moi-même, l'expression d'intelligence de l'arbre, mais il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas de neurones. Oui, c'est ça. C'est une forme de vie tellement différente que notre vocabulaire parfois peine à décrire. Oui, parce que ça nous dépasse quand même un petit peu. Ce qu'ils sont capables de faire. Cette capacité des arbres et plus généralement des plantes à percevoir leur environnement, comme le souffle du vent par exemple, est étudiée en laboratoire. Un exemple ici à l'université de Clermont-Auvergne. Voilà, j'ai la plante là, le câble. Donc, Démonstration avec ce jeune peuplier de 4 mois. Installé dans les petits ergots. Toutes les 30 secondes, il va recevoir un petit coup d'air. Ce qu'on essaye de voir, c'est comment il sent le vent. Donc on a créé ce dispositif expérimental là, qui permet d'envoyer des petites impulsions de vent. De quoi permettre aux chercheurs de mesurer la façon dont la plante réagit. Ça dépend des angles en fait. Ah oui, bah oui. Elle va changer sa croissance en hauteur. Elle va changer sa croissance en diamètre. Donc là, en l'occurrence, elle va se faire un peu moins haute, un peu plus grosse, trapue. Et elle va aussi s'ancrer plus fortement. Donc nous, ce qu'on a étudié, c'est vraiment démontrer que c'est une vraie perception. C'est-à-dire qu'elle a un sens, qui est chez nous le sens du toucher, qui lui permet à elle surtout de savoir s'il y a du vent ou pas. C'était Bruno Moulia, chercheur à l'université Clermont-Auvergne. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas au sujet de ces arbres et de leur physiologie, et notamment cette façon de s'adapter au climat. On voit dans votre ouvrage, Georges Fetterman, que certains arbres s'aplatissent, prennent des formes adaptées aux conditions climatiques qui les entourent. Oui, le plus bel exemple, là, on entendait parler du vent, c'est un nom scientifique assez compliqué mais assez facile à comprendre, les anémomorphoses. Anémo, le vent, morphose, les formes dues au vent. Mais tout le monde a vu ça, hein, des arbres en drapeau, comme on dit, qui se disposent à l'opposé du sens du vent. Il y a de nombreux exemples comme ceux-là où on voit l'arbre prendre position en fonction des circonstances qui lui sont offertes. Mmh. On parle souvent de la sensibilité des arbres. Moi, je préfère l'expression sensible aux conditions de leur environnement et cette formidable capacité d'adaptation des arbres. Pour les arbres qui sont face au vent au bord de la mer, on pense que vraisemblablement, c'est simplement le fait de recevoir des embruns salés d'un côté qui détruirait les bourgeons du côté marin et qui renforcerait donc ceux qui sont à l'opposé. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux maladies qui menacent certaines espèces, platanes, frênes, oliviers. Ces espèces sont-elles plus menacées par les maladies qu'hier? Nous prenons le temps de regarder les arbres de nos régions et d'en prendre soin avec notre invité Georges Fetterman cet après-midi sur France Inter. Et ce n'est pas votre ami, le botaniste Francis Allais, dont vous parliez, qui s'en plaindra. Eh bien, moi je suis très ami de Georges Fetterman depuis fort longtemps. Et on a une passion commune pour les arbres, donc je suis entièrement d'accord avec lui pour célébrer les vieux arbres. les trouve admirables et c'est vrai que c'est des monuments historiques, parfois beaucoup plus anciens que nos monuments historiques à nous. Donc ça mérite le respect. Oh mais c'est encore vous mon cher. Oh mais c'est encore vous mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh je me sens de vous prisonnière. Oh je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout, et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout, soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous, il en va de nous. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Prisonnière, c'était Stéphane Escher. France Inter. Du vent dans les synapses. Allons voir ce platane malade, allons voir ce chancre. Alors, avant, taguer les arbres, ouais. Parce qu'un arbre malade, on le coupe et on coupe aussi les arbres autour, 50 ouais. mètres de part et d'autre. 50 mètres, ça représente en fait, quand même pas mal d'arbres. C'est pour stopper la continuité racinaire, pour essayer de stopper la continuité, parce que le champignon passe d'arbre en arbre par les racines une fois qu'il est installé. Et donc pour essayer de couper cette continuité racinaire, ben on sacrifie des arbres qui sont encore qui sont sains. Enfin, apparemment sains, on va dire. Apparemment sains, oui. Ouais. Donc on sacrifie un certain nombre d'arbres sur 50 mètres. Et c'est là que ça fait polémique, parce qu'il y a des élus qui ne veulent pas qu'on abatte les arbres apparemment sains. Par exemple celui-là, vous allez voir, en aval il n'y a pas d'arbres à voir, mais de l'autre côté, vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de la couronne, on voit bien que cet arbre, il a moins de feuilles, des feuilles qui sont plus petites, jaunes, il y a bien quelque chose qui se passe quand même. Celui-là, il oui. est certainement malade. Oui. Voilà. Alors pour en être sûr maintenant, on va aller le gratouiller sous l'écorce pour voir en fait si sous l'écorce on a des tissus nécrosés. Extrait du magazine Interception diffusé en novembre 2014 sur France Inter. Nous étions au pied des platanes malades qui bordent le canal du Midi. Dans votre livre, Georges Fetterman, L'arbre dans tous ses états aux éditions Delachaux et Niestlé, vous consacrez un chapitre à l'état de santé des arbres de nos régions. Le cas des platanes du canal du Midi est particulièrement inquiétant selon vous ? Oui, c'est inquiétant parce que c'est une maladie qui ne touche pas que le canal du Midi. Déjà, c'est un crève-cœur de voir ces platanes qui meurent les uns après les autres ou qu'on est obligé d'éliminer pour les raisons qui sont expliquées là. Après, il y a des grands débats. Est-ce qu'il faut éliminer toute la totalité ou pas? Enfin, ce qui fait débat, ce sont les arbres à proximité qui apparaissent encore sains et que l'on coupe pour pas que ça se propage. Pour le public, c'est très difficile à accepter qu'un arbre qui n'est pas malade soit coupé. Après, peut-être qu'on va avoir un chercheur qui va nous trouver, et on est tous à le souhaiter, la solution qui éviterait de soigner les arbres. Mais il faut dire qu'on peut pas faire une piqûre à un arbre. C'est pas comme nous. Si on vous injecte un produit, imaginons qu'on sache tuer le champignon en question, vous injectez un endroit dans l'arbre, ça monte tout droit dans une colonne, comme dans un tuyau d'orgue. Mais ça circule pas dans une circulation globale comme chez nous. Donc on n'a pas de solution comme celle-là. Et effectivement, comme on sait en plus aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux, c'est-à-dire échangent de la matière entre eux par les racines, on sait que la maladie du platane, elle est grandement véhiculée par les racines. Comment est-elle arrivée, cette maladie? Alors, cette maladie, elle est arrivée par les hasards de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puisque les Américains, et on va pas leur reprocher, sont arrivés en Provence pour aider la France, bien sûr, mais ils avaient des munitions dans des caisses de platane américains. Et dans ces caisses de platane, dans le bois, il y avait le parasite en question. Et à partir de là, il s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen. L'inquiétude, c'est que la maladie remonte non seulement en Méditerranée, mais dans la moitié sud, et maintenant approche largement de la moitié nord et touche les arbres les uns après les autres. L'erreur, finalement, l'erreur au bord du canal du Midi, ça a été de planter une seule espèce d'arbre tout au long du canal. Si on avait alterné les essences, peut-être qu'on aurait plus facilement pu contenir cette... Voilà, vous avez anticipé une des explications de ces maladies qui semblent se répandre un petit peu partout. Il y en a deux. L'une d'entre elles, c'est évidemment que quand il y a un arbre qui plaît aux êtres humains, et je le reproche pas, c'est comme ça, on le plante partout en série. On parlera des oliviers sans doute, mais on en plante des dizaines de millions. Donc évidemment, si un parasite arrive, il se régale, hein, puisqu'on lui donne de la matière. Et si jamais ces arbres en plus sont clonés, ils ont tous les mêmes défenses génétiques et les mêmes risques auxquels ils sont exposés. Alors vous évoquiez les oliviers, c'est vrai que c'est un arbre emblématique du sud de la France qui pourrait être menacé lui aussi. On redoute en fait ce qui est arrivé aux oliviers en Italie et on redoute que cela ne survienne en France. Rien n'est plus comme avant. Avec les seuls arbres sains qu'il reste, il va nous manquer une grande part de la production de cette année, 80% sur notre zone. Aujourd'hui, son exploitation est trop grande. Les licenciements économiques étaient inévitables. Je suis passé de 50 employés à zéro. L'huile d'olive a gardé la même qualité, mais les quantités produites ne permettent plus à l'entreprise d'être viable. Au bout d'un champ, des restes de troncs arrachés il y a 3 ans, au moment où l'on croyait vaincre l'épidémie en sacrifiant quelques arbres. Cela n'a servi à rien. La bactérie s'est multipliée, transmise par un insecte très répandu. La peste des oliviers est arrivée en Corse et même en Espagne. Sa prolifération est étudiée en laboratoire. Sous le microscope des cicadelles, ces petits insectes suceurs de bois, ce sont eux les véhicules du virus. En passant d'un arbre malade à un arbre sain, ils transmettent la maladie. Extrait d'un reportage diffusé sur France Info TV en 2018. Ces insectes risquent-ils, Georges Fetterman, d'apporter cette maladie aux oliviers français? Est-ce que certains cas se sont déjà déclarés? Il y a quelques cas qui ont été signalés dans les Alpes-Maritimes qui ne marquent pas, que je sache, une explosion de la maladie en France. Mais vous savez, la notion de frontière pour les arbres, pour les bactéries ou pour les insectes, elle n'existe pas. Alors, ce qui voyage, c'est les insectes qui sont signalés ici, mais aussi les arbres, puisque vous savez qu'on transporte des oliviers, même parfois dans des conditions... allez, disons-le franchement, assez nul, hein, quand on voit ces gros oliviers qui ont 700, 800 ans, qu'on transporte dans des bacs, on a envie de dire mais qu'on les laisse là où ils sont, venus d'Andalousie ou ailleurs. Ça, pour moi, c'est un scandale terrible de faire voyager ces arbres. Et là, on transporte la maladie. Donc les transports des hommes, les transports des arbres favorisent grandement l'expansion de ces maladies. La maladie, le responsable, c'est une bactérie, hein, qui s'appelle Xylella. Xylo, c'est l'arbre en grec. Mais cette bactérie est transportée par l'insecte et puis par les hommes aussi, vous venez de l'expliquer. Les frênes aussi en France, les frênes sont très malades, les châtaigniers également. Est-ce que aujourd'hui, plus que jamais auparavant, les arbres de nos régions sont menacés à chaque fois par des parasites différents? Pour les raisons qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a planté beaucoup, par millions certaines espèces, donc ça favorise. Et les arbres, on les déplace de plus en plus avec des souches qu'on introduit, etc. Donc tout ça sont des facteurs favorisants. Est-ce qu'à l'arrivée, il y a plus de maladies? Difficile à dire parce qu'on n'a aucun témoignage lointain, en dehors des exemples forestiers, concernant ces maladies-là. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus. Alors les ormes, il y a un siècle, étaient beaucoup plus présents en France. Ils ont été victimes de maladies. Aujourd'hui, il y a quelques rescapés dont on voit de très jolies photos dans votre ouvrage, mais ils sont beaucoup moins nombreux. L'orme était autrefois l'arbre de la campagne traditionnelle, comme le frêne est aujourd'hui l'arbre de la campagne en France traditionnelle. Le frêne est touché par un champignon, la maladie s'appelle la calarose et elle avance malheureusement très vite d'est en ouest à travers la France en tuant les arbres. Et là, moi j'ai des grandes inquiétudes, y compris sur les paysages de France, sur les arbres bien sûr. Et les ormes, c'est au XXe siècle qu'une maladie, la graphiose, due à un champignon dont les spores étaient véhiculés par un insecte, la maladie s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le pays et a décimé, a centimé, je ne sais pas si le mot existe, les ormes qui étaient les arbres parmi les plus communs de notre pays. Et pourquoi certains ont survécu? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus? Est-ce qu'ils étaient résistants? Est-ce qu'ils étaient bien situés? Alors, on aurait fait cette interview il y a 2 mois, je vous aurais dit, c'est vraisemblablement parce que il y a des arbres qui sont résistants et qui sont intéressants à étudier. Et puis j'ai discuté depuis peu avec un des spécialistes de la maladie de l'orme qui m'a dit pour l'instant on n'a rien trouvé génétiquement qui montre une résistance particulière de ceux qui sont toujours là. Ma probabilité c'est que dans les 50 ans à venir, je peux m'engager, je serai plus là. Dans les 50 ans à venir, on verra repartir des ormes car le parasite aura régressé faute de combattants. Nous, espèces humaines, on est pressés, on peut pas raisonner à l'échelle de 50 ou 100 ans. Les forestiers le font. Ils travaillent pour les 100, 150 ans à venir. Et je crois que cette maladie disparaîtra et peut-être que les ormes redémarreront. Souches résistantes ou pas, les chercheurs sont pas convaincus. Alors, s'il y a des résistantes, en tout cas, elles sont apparues au gré de mutations génétiques. Et là aussi, vraiment, la génétique chez les arbres est particulière. Nous, dans notre corps, toutes les cellules ont exactement le même génome. Pour les arbres, c'est pas forcément le cas. Non, c'est sûrement pas le cas et c'est une découverte assez récente. Oui, il faut savoir que la base de la génétique, c'est que dans un être vivant, on croyait animal ou végétal ou humain, chaque cellule contient le même génome, le même patrimoine génétique, le même ADN, comme on dit. C'est vrai pour nous. Quand on observe un arbre, et ça a été fait en Suisse récemment, sur un chêne, je veux dire à 5 branches, je sais pas exactement combien ont été testées, dans chacune des branches, le génome a été prélevé dans des cellules et on a trouvé des patrimoines génétiques différents. Ça a été présenté dans un journal scientifique il y a pas très longtemps, avec 2 pages assez banales. Ça aurait dû être un scoop fantastique, parce que c'est une révolution absolue dans le domaine des sciences. Ouais. On parle bien du même arbre. Hein. On parle du même arbre. Le même arbre qui a 19 génomes différents selon les cellules que l'on prélève sur des branches différentes. Et après, on peut se dire pourquoi, parce qu'on veut toujours savoir pourquoi. Ouais. Une réponse peut être pourquoi auraient-ils tous le même génome. Mais peut-être, si on veut trouver une réponse, que l'arbre ne bouge pas, contrairement au monde animal. Et le fait de ne pas bouger conduit peut-être à une forme de sécurité en dissociant chacune des branches avec un patrimoine génétique différent, d'autant plus que les branches en question transmettent le patrimoine génétique aux glands qui en proviennent. Donc ce serait pourquoi la sélection naturelle a sélectionné cette capacité à changer de génome sur plusieurs branches. Oui, si on veut empêcher de dormir vos auditeurs qui connaissent un petit peu les sciences de l'évolution, vous verrez que ça remet, moi je suis darwinien, convaincu, mais ça remet un petit peu en cause le darwinisme. Et ça donne un tout petit peu raison à Lamarck, vous savez, qui disait qu'au sein d'un être vivant, il y avait des transformations qui s'opéraient pendant sa vie. Donc c'est passionnant parce que même les sciences de l'évolution continuent à se transformer avec la connaissance végétale. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les arbres. Les chercheurs commencent à peine à entrevoir la façon dont ils interagissent et communiquent entre eux. Nous allons en parler avec notre invité Georges Fetterman dans un instant. Du vent dans les synapses et dans les branches cet après-midi sur France Inter. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre 2 maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Parking d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes bras. Comme un arbre, c'était Maxime Le Forestier. France Inter, du vent dans les synapses. En orientant mes recherches vers l'observation de la partie souterraine des arbres, je me suis aperçue que lorsque des bouleaux, des sapins, des cèdres et des pruches poussent dans le même secteur, leurs racines s'entremêlent et se connectent entre elles. Plus tard, lors de ma thèse, j'ai appris que ce phénomène s'appelle la mycorhize. Le réseau de mycélium mycorhizien est le résultat d'une symbiose entre un certain type de champignons et les racines de n'importe quelle plante. Lorsqu'il se développe dans ses racines, le mycélium du champignon apporte à l'arbre les nutriments et l'eau qu'il capte dans la terre. Nous avons cartographié le sol d'une forêt et nous nous sommes rendus compte que tous les arbres entremêlaient leurs racines en un immense réseau souterrain unique et commun à tous. Mais cette découverte m'a laissé perplexe, parce que j'ignorais encore le rôle de ces connexions dans la croissance des plantes. Suzanne Simard, professeure d'écologie forestière, c'était un extrait du documentaire « L'intelligence des arbres ». Les arbres interagissent entre eux par l'intermédiaire de leurs racines. Qu'est-ce qu'ils s'échangent au niveau de leurs racines, Georges Fetterman ? Alors c'est une certitude hein, aujourd'hui qu'il y a effectivement ces échanges interracinaires de l'eau et des sels minéraux essentiellement. Ce qui reste à vérifier, c'est si la matière fabriquée par les uns au niveau des feuilles, donc la matière organique cette fois-ci, repasse à l'intérieur des racines. C'est pas impossible puisque certains arbres qui ont été coupés arrivent à faire des rejets. Bien qu'ils n'aient plus de feuilles, donc ils ne reçoivent plus d'énergie, ils font des rejets. Donc c'est pas impossible qu'ils reçoivent de la matière organique par ce réseau, aider des champignons. Et alors ces échanges se font entre individus de même espèce ou même entre espèces différentes ? Excellente question, puisque on n'a pas la réponse absolue à ceci. C'est pareil, il y a quelques années, j'aurais juré que ce n'était qu'entre espèces. Et aujourd'hui, on s'interroge sur le fait que des espèces, au sein d'une même forêt notamment, pourraient échanger des produits entre eux, ce qui serait une sacrée leçon pour l'espèce humaine. Ouais, ça veut dire qu'il y aurait de la solidarité inter-espèces. Alors à chaque fois qu'on emploie des mots, ça devient vite de l'anthropomorphisme. Alors les arbres sont aussi des êtres capables de vivre seuls, envers et contre tous. Parmi les arbres remarquables que vous avez identifiés, il y a de beaux spécimens de solitaires. Je pense à ce pin solitaire d'Isle-sur-Tête qui semble défier le canigou penché sur ses orgues d'Isle-sur-Tête. Lui, il est vraiment seul au monde. Aucune concurrence, mais aucune solidarité non plus. Oui, il y a que moi qui l'intéresse. Plusieurs personnes qui ont vu ce site n'ont jamais fait attention à cet arbre. Et puis, comme je l'ai mis en exergue avec la photo, je trouve cet arbre génial dans ses capacités de résistance. Et effectivement, là, il n'a pas de solidarité. Mais ailleurs, dans ses orgues d'Isle-sur-Tête, on voit des pins. Comme l'érosion a travaillé, ça a dégagé entre les arbres. Et on voit les racines en suspension qui se donnent la main, si je peux dire, qui sont liées les unes avec les autres. Et ils sont capables, quoi. On voit toujours dans votre ouvrage de chênes qui sont capables d'aller se planter. Alors certainement qu'on les a aidés, peut-être un petit rongeur ou un oiseau qui a amené là le gland, mais qui sont capables de pousser sur le toit de pigeonniers, au cœur de bâtisses. C'est assez incroyable comment ils arrivent à se frayer un chemin. Ouais, là vous me prenez par les sentiments parce que c'est mes petits chouchous ceux-là. Ah oui. Bah parce qu'ils sont très liés à la biologie animale aussi, et moi j'aime beaucoup la géologie, les animaux aussi. Oui, il y a une complicité forcément avec un jet peut-être qui a coincé un gland un jour entre deux pierres et puis qui a oublié l'arbre. Mais quand on regarde l'arbre qui est perché au sommet du pigeonnier, on voit que ses racines descendent centimètre après centimètre jusqu'en bas, jusqu'au sol. Ouais. Impossible de vivre là-haut perché. Et l'autre que j'aime bien, c'est dans un pigeonnier toujours, un chêne dans les Deux-Sèvres à Besseleuf. J'invite beaucoup de gens à aller le voir parce qu'il est public, on peut aller le visiter. Il dépasse au-dessus du pigeonnier ouvert. Ouais. Donc il a filé vers la lumière et il sort de son cylindre là-haut. Il est extraordinaire. Parmi les arbres qui doivent faire preuve de capacité d'adaptation, il y a les arbres des villes. On trouve des arbres remarquables aussi dans les grandes villes, même à Paris. Je vous présente le plus vieil arbre de Paris. C'est le robinier du square Viviani, qui a été planté en 1601 par Jean Robin, jardinier du roi. Et donc, Jean Robin reçoit des graines d'un ami en Amérique et il plante cet arbre et cet arbre est encore là. Depuis 1601, cet arbre est sur un cycle de multiplication sur lui-même, c'est-à-dire qu'il s'autoclone. Et aujourd'hui, donc, nous sommes face à une colonie avec le plus vieil arbre, le tronc qui est très dépérissant, un individu qui aujourd'hui constitue sa couronne et son houppier qui est âgé d'environ 120-150 ans, et des individus plus jeunes, qui sont des drageons, issus de ses racines. Cet arbre serait le pied-mère de tous les robiniers en France, puisque c'est le plus ancien que l'on connaisse à Paris, mais aussi à l'échelle de la France. C'est pour ça qu'il est précieux et qu'il faut faire en sorte de le connaître et de le préserver. Pour se contenter des sols assez ingrats, agronomiquement parlant, des sols urbains, c'est qu'elle a développé des stratégies de survie et de nutrition assez astucieuses. Béatrice Rizzo, experte sylvicole à la mairie de Paris. Alors ce robinier serait vraiment celui qui a permis ensuite par bouturage, en utilisant ses graines, de coloniser toute la France. Ouais, ça donne une idée du potentiel incroyable c'est même pas de la résilience, de développement d'un arbre, puisque à partir d'un ou deux sujets qui ont été introduits d'Amérique il n'y a jamais que 400 ans, il y a actuellement des centaines de millions de robiniers. C'est ce que tout le monde appelle l'acacia, qui n'est pas un acacia, c'est d'une autre famille que l'acacia. Toute la France a été colonisée avec ces arbres, et puis alors souvent on discute, est-ce que c'est embêtant les espèces considérées comme envahissantes comme ça? Les robiniers, ils font partie maintenant des arbres de notre pays, et puis on peut le regretter ou pas, ça n'a aucune importance, ils sont là, et on ne les en chassera pas. Ouais. Beaucoup d'arbres sont qualifiés de remarquables parmi les arbres que l'on trouve en ville, ou ce robinier fait exception? Non, il ne fait pas exception. Si on prend, vous avez pris la ville de Paris, comme exemple, on a attribué, nous, 15 labels. Alors j'en profite pour rendre hommage aux adhérents de l'association Arbres, qui nous écoutent, et qui sont des gens formidables, qui travaillent au quotidien. On a attribué 15 label, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de la ville de Paris, ce qui nous empêche pas parfois de dire qu'on n'est pas d'accord sur certaines questions. Ouais. Parce que l'idée de nommer arbres remarquables certains de ces arbres exceptionnels, c'est aussi de les mettre dans la lumière, mais aussi de les protéger. Votre association a pour but de défendre les arbres et les plus beaux spécimens en premier lieu. Quels sont des exemples peut-être de combats que vous menez actuellement? Le but de l'association, c'est la préservation des arbres remarquables. Vous doutez comme au-delà, on est sollicité pour défendre beaucoup d'arbres et on le fait bien volontiers dans la mesure de notre possibilité. Je signale deux combats tout récents, encore que j'aime pas trop le mot combat pour ce qui concerne les arbres, deux mouvements importants. L'un dans un petit quartier de Paris en face des arènes de Lutèce. Trois arbres très vieux qui ne demandent qu'à continuer leur vie dans la cour d'un immeuble. Et il y a une opération de spéculation avec un permis de construire qui a malheureusement été signé et sur lesquels il faudrait revenir. Ces arbres ne demandent qu'une chose, qu'on les laisse tranquilles. Un autre exemple qu'on va être amené à mettre en exergue, c'est les alignements de bord de route. Actuellement, avec un monsieur dont on a parlé, qui est Thomas Braille, celui qui s'est perché dans les arbres face au ministère de l'Environnement, je l'ai eu au téléphone juste avant, et il m'a parlé du cas des arbres le long de la D2 dans le Tarn-et-Garonne. Et là, on va couper les arbres, vous savez pourquoi? Parce que il risque d'y avoir des accidents avec les camions. Donc ça veut dire que les arbres risquent d'attaquer les camions, je suppose, la nuit quand ils passent. Ils sont pas malades, ce sont des platanes, mais qui ne sont pas malades. Donc on laisse tranquille ces arbres, c'est Francis Allais qui le dit, il me dit souvent ça. Tu sais, les arbres, ils demandent qu'une chose, c'est qu'on leur fiche la paix. À la fin de votre ouvrage, vous publiez la Déclaration des droits de l'arbre. Que dit-elle dans les grandes lignes, cette déclaration? Alors, pour le moment, c'est une déclaration, elle n'a été entérinée par personne. Vous l'avez quand même faite depuis l'Assemblée nationale, lors d'un colloque. Qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration? Oui. Alors avec un seul député présent, mais on désespère pas parce qu'il y a plusieurs députés qui se sont signalés, qui veulent nous soutenir et nous aider à les développer. Mais c'est une orientation simplement qu'on donne. En gros, la première des choses, c'est dire que l'arbre est un être vivant et que pendant des siècles, voire des millénaires, les hommes ont considéré l'arbre comme un objet. Et donc, il faut changer cette donnée. Et on soulève le cas de la loi française qui pose problème sur ces questions-là, puisque la propriété privée prend le dessus sur le fait d'avoir un arbre qu'on conserve vivant. Donc si vous avez un très bel arbre chez vous, vous avez le droit de le couper si vous le souhaitez. Donc voilà un des éléments qu'il y a dans cette déclaration. Et vous aimeriez que cette déclaration fasse peut-être évoluer la législation en la matière. Oui, c'est le but. J'ai bon espoir que ça bouge. Peut-être pas demain, mais après-demain. Nous allons mettre cette déclaration des droits de l'arbre en ligne sur la page Facebook du Vent dans les Synapses. Les auditeurs pourront se faire leur avis. Et puis, Georges Fetterman, j'invite les auditeurs à nous envoyer les photos des arbres de leur commune ou de leur région qui pourraient venir compléter la liste des arbres remarquables. On vous transmettra les messages des auditeurs. Un grand merci à vous, Georges Fetterman. Je rappelle le titre de votre livre, L'arbre dans tous ses états, aux éditions Delachaux et Niesley. Merci à vous. Merci. Restez avec nous dans un instant. Nous mettons le cap sur la Patagonie, plus précisément sur une île que les chercheurs commencent à peine à explorer, l'île de Madre de Dios. Le géologue Richard Maire va nous raconter ce que cet endroit a d'unique au monde. Looking in the mirror, but you can see yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now if you wanna find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are? You are beautiful. Ooh. You are beautiful just the way you are. You are beautiful. Ooh. She wants to be like her, and he would love to be like him. You wanna be like me, why can't we just be who we are? When I was young, I wanted my hair straight. C'était Beautiful, chanté par Ayo, et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. Du Vent dans les Synapses, Daniel Fievé. Bon bah Richard, là on arrive, là on commence à voir les calcaires qui sont là-haut. Par contre, va falloir monter à travers la forêt si on veut les atteindre. C'est pas évident, on va prendre la grande vire là, qui part en travers de manière oblique et vers 200 mètres d'altitude. On devrait rejoindre les calcaires qui sont, qui sont là-haut. On voit toutes les cannelures là, c'est super. Ouais. Alors, est-ce que ça passe? Attention, ça glisse un peu. Hop, punaise. Et ça va passer, là, regarde. C'est incroyable, ça. Ouais, Richard, il y a des mousses là, regarde. C'est la forêt magellanique, c'est quelque chose, hein. Oh, alors, on est obligé de ranger, ça va. Il faut pouvoir passer là. Non, mais ça passe, ça passe. Ça passe. Voilà. Et dire que c'est une des dernières forêts primaires de la planète. Hein. C'est un peu l'enfer et le paradis en même temps. C'est bon, ça passe. Hop là! Nous sommes arrivés dans un endroit à part sur Terre, l'île de Madre de Dios. Bonjour Richard Maire. Bonjour. Nous venons d'entendre un extrait du documentaire Ultima Patagonia qui sera projeté demain dimanche dans le cadre du Festival du film et du livre d'aventure de La Rochelle, festival qui bat son plein depuis lundi. Les images de ce documentaire sont superbes. Où se trouve exactement l'île Madre de Dios, Richard Maire ? Alors, c'est une île qui appartient aux archipels de Patagonie chilienne. On est sur le versant Pacifique, hein. Non pas sur le versant Atlantique, le versant Pacifique. Et là, sur des centaines de kilomètres, vous avez des îles quasiment inconnues où il n'y a personne. Et il y a quelques îles calcaires. Ce sont ces îles calcaires que nous avons explorées. Comment vous avez découvert cet endroit, vous ? Alors, c'est très particulier. On ne peut pas dire qu'on est les tout premiers. Il se trouve que en 94, je suis allé au Chili avec un ami et un professeur de géographie de Santiago nous a remis un article qui parlait des régions calcaires du Chili. Et j'ai noté qu'il existait des îles où il y a du calcaire en Patagonie. Et comme on est des spéléologues qui explorons les grottes, on voulait aller voir ce qui s'est passé. Et en 95, on a fait une première reconnaissance avec mon ami Jean-François Pernette. Alors décrivez-nous les lieux, hein, parce que les images sont vraiment incroyables. Essayez de nous faire vivre ça à la radio. Alors, ce que je voudrais d'abord vous dire, je suis un géomorphologue, c'est-à-dire je suis spécialisé dans les paysages et je recherche dans mon travail de CNRS à étudier les plus beaux paysages de la planète. Et il se trouve que les calcaires, c'est une roche exceptionnelle, contrairement au granit, le calcaire se dissout avec l'eau de pluie. Et en se dissolvant, il donne des formes exceptionnelles, des formes très chaudes, parce que le calcaire est souvent gris, blanc. Et il se trouve que là-bas, il y a les plus fortes, ou parmi les plus fortes précipitations de la planète, à peu près 10 mètres par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est à peu près 10 fois plus qu'à Bordeaux. C'est un climat épouvantable, avec des bourrasques de vent en permanence. Oui. Pour une expédition, là vraiment, vous aviez des conditions particulièrement rudes. Exactement. D'ailleurs, au sud du Chili, vous avez les 40e rugissants, et en dessous, vous avez les 50e hurlants. On est dans les 50e hurlants. Tous les navigateurs qui passent au large connaissent cette région. Et ben nous, on est, j'allais dire, aspergés par l'eau. Et le vent qui souffle souvent entre 100, 120, 150 km/h nous envoie l'eau à l'horizontale. C'est ça qui est remarquable. Ce qui explique d'ailleurs, on va revenir à ces formations calcaires, mais ce qui explique que ce lieu ait été très peu exploré. D'ailleurs, Magellan en son temps a accosté, mais ne s'est pas aventuré davantage, en tout cas son expédition. Darwin également, beaucoup d'explorateurs ont fait l'impasse en voyant les conditions climatiques et le relief du lieu. Ah, c'est vrai qu'il y a eu très peu de gens qui ont abordé cette île. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces îles étaient habitées autrefois, mais habitées par les nomades de la mer, qui naviguaient dans des canaux en écorce pendant des milliers d'années. Ils naviguaient le long de toutes ces côtes de Patagonie, des archipels, et notamment à Madre de Dios, et parfois ils venaient se réfugier dans des grottes. Ça nous donne une sacrée leçon à nous, Européens, Occidentaux. Ces gens étaient adaptés à des conditions incroyables. Ouais. Alors, le lieu présente ces structures géologiques intéressantes pour vous. Hein. Ces structures calcaires que vous avez baptisées des glaciers de marbre. Décrivez-les-nous et expliquez-nous comment ils se sont formés, ces glaciers de marbre. Alors, le terme glacier, c'est simplement parce qu'il y a une convergence de formes, il y a une ressemblance entre ces formations calcaires érodées et les grands glaciers qu'on a, par exemple, sur la cordillère des Andes, à moins de 100 km de distance. Hein. Donc, il y a une forme, ça ressemble à ça. Et pourquoi ça ressemble ? Parce que sur le glacier, l'été, vous avez l'eau qui fond, qui ruisselle, creuse des comme des réseaux hydrographiques et se perdent dans des trous, dans des moulins. Et sur les calcaires, l'eau circule de pluie, creuse des cannelures et va se perdre dans des trous. Vous voyez, il y a une correspondance entre les deux. Alors, la dernière mission d'exploration que relate le film Ultima Patagonia a duré 2 mois. Des scientifiques de diverses disciplines ont participé, une quarantaine d'explorateurs en tout. Quels étaient les objectifs de cette mission ? Alors c'est une mission, il faut quand même rappeler que c'est pas la seule, ça fait à peu près, depuis 2000, on explore Madre de Dios, donc cet archipel, et à chaque expédition qu'on fait, ben on est loin d'avoir tout exploré. Et là, on continue d'explorer la partie nord de Madre de Dios, qui se situe vers 50 degrés de latitude sud, et... En fait, on est une équipe donc de 40 au total. Il y en a qui restent 1 mois, certains 2 mois. On est toujours une trentaine au total. Hein. Mais on est tous des sportifs quand même. Parce que si on est des scientifiques de bureau, ça marche pas. Ouais. Vous comprenez hein. Ah bah oui, le relief est particulièrement accidenté. Hein, on s'en rend compte. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, il y a 2 obstacles majeurs en dehors du climat, bien sûr. C'est l'océan, le Pacifique. Quand on vient en bateau, en petit bateau de pêche par le Pacifique, ben, parfois on n'arrive pas à passer, il faut attendre que ça se calme. Et puis il y a un autre problème, c'est comment avancer, comment marcher sur ces îles à cause de 2 choses, 2 obstacles majeurs, le relief calcaire avec des failles, des trous partout, et la forêt magellanique qui est inextricable. Vous voyez, quand vous mettez ensemble... La roche calcaire avec des fractures et plein de forêts magellaniques, eh ben, c'est très très dur à avancer. Il faut faire très attention, on peut tomber dans des trous, c'est déjà arrivé. Alors décrivez-nous justement notre spécialiste des arbres et des forêts, Georges Fetterman, est resté. Oui. Profitons de sa présence pour que vous décriviez les espèces végétales, cette forêt particulière magellanique, hein, du nom de Magellan, qui se trouve sur les lieux. Ah, c'est une forêt extraordinaire. Alors, je suis pas botaniste, même si mon grand-père était un vice-botaniste, mais j'ai quelques connaissances. Et d'abord, c'est une forêt, donc une des dernières forêts primaires de la planète. Elle est totalement adaptée à ce climat incroyable. Il faut bien savoir qu'on est dans un climat subpolaire, humide, assez doux, mais très ventilé. Elle est constituée, cette forêt, de notophagus, c'est-à-dire de hêtres primitifs. Ce sont des hêtres qui remontent. Le genre Notophagus remonte à l'ère secondaire, à l'époque où il y avait un seul continent dans la partie sud, c'était Gondwana. Et vous savez qu'au secondaire, l'Afrique s'est séparée de l'Amérique du Sud. Mmh. Et pareil pour l'Australie, l'Antarctique, ce qui fait qu'on retrouve le genre Notophagus uniquement dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Guinée, dans d'autres coins, mais dans la partie sud. Donc c'est une forêt très particulière et surtout c'est une forêt moussue. Elle est recouverte de bryophytes, donc de mousse, d'hépatique, de sphaigne, vous voyez. Et quand on est dans cette forêt, c'est vrai, on a envie de parler aux arbres. Hein. Ah, on a envie de parler aux arbres. Tiens, parce que ce sont, comme le disait M. Fetterman, ce sont vraiment des êtres vivants, on l'a oublié, ils peuvent avoir des centaines d'années. Certains, en lieu protégé, ont des troncs. Allez, de 50, 60 cm de diamètre, voire plus. Et dans les zones ventées, un arbre de 100 ans aura 3, 4 cm de diamètre. Ça sera un bonsaï naturel. Georges Fetterman, une réaction à cet endroit. En plus, vous avez vu le documentaire. Oui, j'ai vu les images. Bravo pour le courage d'avoir affronté les éléments. Et bonjour. Bonjour. Endroit fantastique. Moi, je retiens 3 idées. Forêt primaire, il y en a pratiquement plus sur la planète. Témoin de l'éclatement des continents, ça rejoint ma passion de la géologie. Et ces arbres qui peuvent être très très vieux et tout petits. Et ça c'est extraordinaire. Ouais. Bravo d'avoir découvert ceci et de continuer à nous le faire connaître. Ouais. Merci à vous, Richard Maire. Vous serez dimanche au Festival du film et du livre d'aventure de La Rochelle pour la projection de ce film, Ultima Patagonia. Puis pour ceux qui n'auront pas la chance d'être à La Rochelle dimanche, le film Ultima Patagonia est aussi visible en replay sur le site d'Arte jusqu'au 10 décembre prochain. Un grand merci à vous, Richard Maire. Merci à vous. Nous allons mettre toutes les infos sur le film et sur le Festival de La Rochelle sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles découvertes